une histoire de rime, ouais. C'est même pas une histoire de rime. Première page, première ligne, premier chapitre. C'est Fakir. Ça fait si longtemps que je rappe, je compte même plus les années, ouais. Lorsque j'entends que le beat frappe, j'écris, c'est instantané. Le papier débordant de mes sentiments ou des vôtres, le succès je l'attends pas, il viendra peut-être un jour ou l'autre. Pas le temps de se replier sur soi, je réfléchis sur les conséquences de mes actes, pour qu'ils soient simplement bons et intacts. Alors je rappe, ouais, pour moi-même et pour tout ce que j'aime. Quand je vais mal, tout va mal, j'évacue calmement ma haine. Et même si mes feuilles ne sont pas tachées de sang, tu sais, se faire mal à soi-même reste pour moi insensé. J'ai pensé plusieurs fois que tout ça ne servait à rien. Pourquoi écrire sur des feuilles, pourrait-il m'emmener plus loin? Demain, j'espère simplement rester le même. C'est ainsi que je rappe, loin de tout ce qui me gêne et freine. Je baigne avec ma conscience, se ravitaillant du vrai, pour que la réalité et mes rimes ne forment plus qu'un trait. On m'a dit de ne pas lâcher, que je pourrais persévérer, ouais. Qui ne voyait pas pourquoi moi je ne pourrais pas y arriver, ouais. Comme si je n'avais plus qu'à tendre les bras. Mais putain de merde, j'ai l'impression que je n'avance pas. Alors je persiste, devenant plus froid comme un soldat, braquant le regard sur mes rimes autant qu'il le faudra. Tant de temps passé à verser des larmes avant de l'encre, et sans jamais effacer chacune des rimes que j'invente. Je remercie ma mère qui m'a toujours encouragé. En fait, ce n'est pas l'enfer d'avoir autant déménagé. Le rap est ma thérapie, mais il ne faut pas déraper. C'est vrai, car si tu tombes, tu ne pourras plus te relever. Si je rappe, c'est ni pour faire pleurer ou pour faire mal. De la liberté incarcérale au soulagement infernal, je passe là où personne n'a jamais mis les pieds. Marchant sur des lames, je fais de la réalité mon allié. J'admets que la vie est remplie de mystères, et les yeux grands ouverts, je marche sans jamais regarder derrière. Histoire de rime, mes musiques reflètent ma vie, et cela m'a vraiment touché lorsque ma famille me l'a dit, ouais. Histoire de rime, et dans ce biz, pas besoin de comédie. J'ai affaire à la réalité, mec, pas au paradis, non. Maintenant, peut-être qu'il vaut mieux que je me taise, ouais. Je construis mon avenir marchant sur un tas de braises, me battant pour saisir chacune des opportunités se présentant, oubliant les impossibilités, allant de l'avant, traversant les plaines et les marées. Je suis lent, ces mecs, impossible de m'arrêter, ouais, c'est insensé. Comment veux-tu que je m'arrête, ouais. Histoire de rime, juste un stylo et quelques idées en tête, partant en quête, à la recherche d'un spi et de réel, ouais. M'apprêtant à conclure, mec, que la vie est vraiment belle. Pourtant je peine, me tuant à courir le vent de face, à gravir les plaines, pendant que la terre s'enfonce et s'entasse. Les drapeaux se lèvent, les MC voudraient la paix, lorsque je prends la relève et que les rimes débordent de mes cahiers. Histoire de rime, pourtant cette histoire n'a pas de fin, ouais. Mes rimes sont gravées dans mes chansons et les dieux se disent minces. L'esprit essoufflé, réfléchir sur le monde m'a épuisé. Je gravirai les marches que mes rimes soient mes piliers. Histoire de rime, c'est pas juste une histoire de rimer. On est là pour raconter nos vies et non pas pour frimer. Histoire de rime, seuls les sentiments sont invités. On est dans le vrai en discoursant juste la vérité. Histoire de rime, c'est pas juste une histoire de rimer. On est là pour raconter nos vies et non pas pour frimer. Histoire de rime, seuls les sentiments sont invités. On est dans le vrai en discoursant juste la vérité. Dernière page, dernière ligne, dernier chapitre. C'était Fakir.